vaut mieux être premier auteur, parce que ça veut dire que c'est nous qui avons vraiment fait le travail, ou dernier auteur, c'est celui qui a complètement encadré le travail, souvent c'est le chef. Et après, entre, ben, ça peut aller du technicien à l'ingénieur, au chercheur, enfin, ça va vraiment, voilà, il y a toute une hiérarchie et un ordre selon le taux d'implication dans l'article, mais voilà, personne n'est oublié et tout le monde est pris en compte. Parce qu'il peut faire des noms d'articles très longs sur toute la liste des auteurs. Et à la fin de ces trois années va venir, pour vous, un moment important où vous allez présenter vos travaux, non plus sous forme de papier scientifique, mais devant la communauté des chercheurs. C'est ça, oui. Ça s'appelle la soutenance de thèse. C'est un peu le moment de libération de ces trois ans. Et oui, généralement, c'est un moment assez fort parce que donc, du coup, on doit faire un résumé de nos trois ans de recherche, de résultats. Donc, c'est aussi un peu frustrant parce qu'il faut résumer trois ans en 40 minutes. Donc, il faut faire des choix sur ce qu'on présente. On ne peut pas tout présenter forcément. Donc, c'est un peu frustrant, mais c'est aussi une grande fierté parce que du coup, on expose son travail à une communauté scientifique et, qui est notamment composée d'un jury. Un jury qui est là pour évaluer et juger le travail. Et du coup, ouais, à cette soutenance de thèse, ils sont aussi conviés la famille et les amis, généralement. D'où c'est un moment assez fort, du coup, généralement. Ouais. Et comment ça se prépare ? Alors, ça se prépare en faisant beaucoup de répétitions pour bien caler le discours. En amont, on fait souvent... Moi, personnellement, j'ai fait pas mal de réunions avec ma directrice de thèse afin de faire un choix déjà sur ce qu'on présente. Après, généralement, l'introduction, ça se présente sous forme d'introduction. On fait d'abord un état de l'art des données bibliographiques. Ensuite, on essaye de mettre en avant le rationnel de l'étude et les objectifs. On présente nos principaux résultats. Et à la fin, on conclut et on essaye d'ouvrir sur d'autres perspectives. Qu'est-ce que mon travail a amené ? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin ? Et si on ne se met pas limite, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller ? Et donc du coup, après cette présentation, se suit d'une discussion avec les membres du jury. Donc dans les membres du jury, il y a aussi des pontes de notre domaine, des très grands chercheurs qui sont choisis par rapport à notre domaine d'expertise et qui vont pas hésiter à aller chercher les moindres recoins de tout notre manuscrit de thèse pour voilà, d'abord discuter certains points. Donc ça peut être des points techniques, ça peut être des points après d'éthique aussi ou de perspectives. Et généralement, la discussion, après, est surtout ouverte sur les perspectives pour voir la suite, et donc ça donne quoi, et où est-ce qu'on va. Déjà, des idées sur où est-ce que ça pourrait aller plus loin après ? Est-ce qu'il y a un après la thèse ? Alors, il y a un après la thèse pour le sujet. Donc, est-ce que le sujet va être continué ? Est-ce que le sujet... peut amener d'autres perspectives. Donc là, généralement, oui, nous, on a pas mal de projets pour continuer l'aventure du lait d'Anès. Là, actuellement, on est en train d'élaborer un produit alimentaire au lait d'Anès. Parce que du coup, la filière du lait d'Anès en France n'est pas très développée. C'est vraiment, on parle de micro-filière. Et donc, du coup, pour développer un peu cette structure, on voulait développer un produit alimentaire, mais avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire un produit alimentaire qui conserve ses propriétés santé. Parce que si je... transforme mon lait d'Anès. Je vais le transformer, je vais faire des traitements thermiques, je vais le fermenter, je vais en faire un yaourt. Il y a le risque de perdre ses propriétés santé de par les procédés de transformation. Donc du coup, là, en ce moment, je suis en train de valoriser un produit, d'élaborer un produit qui conserve à la fois les propriétés santé et qui me permet d'être aux normes, de respecter les normes microbiologiques, réglementaires. Donc ça, c'est une suite au niveau du sujet qui est intéressante. Et ça permettrait, pourquoi pas, donc aux producteurs de vendre ce produit dans leur ferme et de développer le marché, en fait. Un produit qui ne poserait pas de problème aux cellules du tissu adipeux ? Alors, après, à voir. Alors, le lait d'Anès est très pauvre en lipides. Les seuls lipides qu'il a, c'est des acides gras polyinsaturés. Mais il a vraiment une concentration très faible en lipides. Non, après, oui, voilà, faut voir. Après, le tissu adipeux, c'est très vaste comme domaine. Et pour rebondir sur la question, c'est vrai que... Enfin, après, on se pose plein de questions. Même des fois, c'est difficile en tant que chercheur de se recentrer et d'essayer, parce qu'on ne peut pas tout faire malheureusement. Et on aimerait pouvoir tout faire, mais on ne peut pas tout faire, des fois par des problèmes de budget, des fois par des problèmes de temps, ou même des fois des problèmes, techniques, parce qu'on n'a pas encore développé la technologie pour, ou on est limité technologiquement pour faire ce qu'on veut faire. Donc voilà, mais après, oui, on se pose toujours plein de questions et on a envie, enfin bon, en tout cas, c'est ce qui me passionne, c'est vraiment, je veux comprendre comment ça marche, quoi. Donc il y a toujours 4 milliards de questions à se poser et elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc, dans ces 4 milliards, choisir-en une et continuer petit à petit à travailler. Ouais, c'est ça. C'est un travail de fourmi, mais voilà. Mais même, c'est dur, parce que du coup, pendant la thèse, il faut aussi qu'on fasse des choix, parce que des fois, on peut tomber sur un résultat qu'on n'attendait pas forcément, et on est là, mais faut le fouiller, ça. Et puis après, donc, du coup, il y a quand même le cadre de la thèse, il faut qu'on réponde à une question précise et que ça forme quand même une boucle et un fil conducteur bien, bien défini. Et donc, du coup, des fois, on va obtenir des petits résultats qui vont un peu éparpiller le fil conducteur. Et donc, du coup, il faut qu'on soit assez fort pour mettre certains résultats de côté, continuer la piste principale et pour, après la thèse, permettre de proposer, en résultat préliminaire, j'ai obtenu ça, ça et ça, ça serait intéressant de le fouiller, on pourrait faire une autre étude complémentaire. Donc, il y a plusieurs résultats qu'on obtient comme ça, qui ne sont pas forcément attendus et qui méritent d'aller fouiller un peu plus. Et c'est assez difficile des fois de dire « je ne le fais pas tout de suite, je verrai plus tard ». Et quand on dit résultats, il y a les résultats qu'on attendait, les résultats positifs, mais il y a aussi les résultats négatifs. Absolument. Un résultat négatif, c'est un résultat. Enfin, moi, je sais par exemple que dans ma thèse, j'étudie du coup ces adipocytes beiges qui vont consommer les substrats. Et en fait, ces adipocytes, ils ont une protéine particulière qui sont les seules à exprimer. Et bizarrement, je ne sais pas encore pourquoi, techniquement ou biologiquement, je ne sais pas. Chez la souris, on arrive très très bien à détecter cette protéine et on l'a très bien décrite. Par contre, chez l'homme, on n'arrive pas à l'obtenir. Et ça, ça pose énormément de questions. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on a cette protéine? Est-ce qu'on ne l'a pas? Est-ce qu'elle est régulée différemment? Qu'est-ce que finalement, c'est un adipocyte beige? Est-ce que l'homme est capable de faire du beige? Parce qu'on sait qu'on le retrouve beaucoup chez le nouveau-né et qu'on le perd un peu à l'âge adulte. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça qui viennent et on a envie de pousser l'étude et de vraiment comprendre. Enfin, voilà, moi, c'est de la recherche très fondamentale. Donc j'ai vraiment envie de comprendre comment ça marche. Et après, ça peut être bien sûr appliqué en thérapie. En thérapie derrière, quoi. Absolument. Mais d'où les partenariats avec les hôpitaux qui vont après, ils vous fournissent une aide pour vos études, vos recherches, et après ils s'attendent aussi à ce que ça donne de nouveaux traitements qui puissent appliquer chez eux. Oui, et même plus que ça, parce que nous, par exemple, dans notre laboratoire, des fois, on peut même gérer des études cliniques où il y a beaucoup de laboratoires qui gèrent des études cliniques où là, carrément, on va vraiment vers la thérapie directement auprès des patients. Et je sais que ça se fait beaucoup dans le domaine de la cancérologie aussi, mais c'est pas seulement... on vous donne la recette, on vous donne la potentielle molécule et après vous vous débrouillez. C'est même vraiment un dialogue très ouvert et vraiment en collaboration très poussée pour vraiment lier la recherche et la thérapie. Et pour rester sur l'exemple de la cancérologie, c'est un peu l'objectif aussi de l'Oncopole ici à Toulouse qui a collé l'hôpital à côté des laboratoires de recherche et où il y a vraiment un dialogue comme ça entre la recherche et la thérapie et la pharmacie en plus juste à côté avec Pierre Fabre. Un triple dialogue qui se fait ferme dure. Peut-être des médicaments les danes qui font. Je pense pas des médicaments, parce que du coup, médicaments, ça sous-entend de la pharmaco, de la pharmacologie. Là, on est plus dans le domaine de l'aliment santé, en fait. Donc, ça reste une voie alimentaire, en fait, avec des propriétés santé, certes, mais on parle pas de médicaments, on parle pas de pharmacologie. C'est par la nutrition, parce que l'on se nourrit. Et vous avez dit 40 minutes pour présenter la thèse. Et est-ce que vous avez tenté 180 secondes? Alors, c'est marrant que vous parliez de ça parce que je viens de m'inscrire au concours ma thèse en 180 secondes et j'ai eu la première formation il y a 2 jours. Donc oui, ça c'est un concours qui est francophone. Donc il y a aussi les Québécois, il y a aussi les Suisses. Et c'est un concours où on doit présenter sa thèse en 180 secondes. Donc c'est très court pour présenter 3 ans. Mais c'est le challenge et c'est le concours qui est très intéressant et qui est aussi enrichissant pour nous parce que c'est aussi un moyen de communiquer notre science. Surtout que le concours ma thèse en 180 secondes, On en parle de plus en plus et il est de plus en plus connu. On le voit même au journal télévisé le soir quand il y est, on voit un petit extrait. Donc vraiment, ça se vulgarise de plus en plus et ça intéresse les gens à la science et ça nous permet de parler de nos projets. Absolument. Et je connais très bien aussi, du coup, parce que l'année dernière, je l'ai fait, la thèse en 180 secondes. Et du coup, j'ai eu la chance de remporter la finale régionale à Toulouse. Félicitations. Merci. Et j'ai pu aller jusqu'en demi-finale nationale. Après, l'aventure s'est arrêtée pour moi. Mais voilà, comme disait Hélène, c'est vraiment une aventure qui est géniale. En plus, ça pousse le chercheur à vraiment valoriser, utiliser des termes simples et accessibles pour tout le monde pour expliquer la science. Et en plus, ça rapproche vraiment le grand public de la communauté scientifique. Et il y a de plus en plus de démarches qui vont dans ce sens-là, c'est sympa. Mmh. Parce que souvent, à une époque, les chercheurs étaient considérés un peu pour discuter qu'entre eux, les scientifiques discutent qu'entre eux, parce qu'ils se comprennent, c'est un langage, et en plus scientifique du même domaine, hein, parce qu'il ne faut pas se mélanger. Hein. Non, non. Mais là, aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de démarches, et le grand public est de plus en plus ouvert à ce style de démarche. Donc c'est vraiment génial, il y a un échange, et en plus, le grand public a soif de connaissances. Mmh. Donc ça les intéresse de savoir ce qui se passe dans les labos, et que font les chercheurs. Ils cherchent, mais ils cherchent quoi ? Oui, puis c'est vrai qu'en parallèle de ma thèse en 180 secondes, quelque chose qui était très ouvert au grand public, c'est ici à Toulouse, le Quai des Savoirs. Et j'ai notamment, moi, participé à ce qui s'appelle la Nuit des chercheurs, où là, c'est vraiment ouvert au grand public et on peut vraiment présenter nos projets. Alors bon, moi, pour ma part, j'ai participé à un atelier qui s'appelait les mini-chercheurs, qui était destiné aux enfants, où c'était vraiment un atelier pratique et on leur expliquait ce qu'on faisait au quotidien dans les labos, mais on voyait vraiment que les enfants en redemandaient et ils cherchaient vraiment à comprendre, à faire, et ça les a vraiment intéressé. Et les parents aussi, parce que c'était certes un stand pour les petits, mais les parents, ils étaient là, ils nous posaient plein de questions, et nous, on y répondait, bien sûr, avec joie. Donc le public est très demandeur, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de démarches d'ouverture de la science au grand public, et ce qui est vraiment pas mal en plus, parce que les échanges sont toujours fructifiants, puisque nous, on est souvent beaucoup dans nos sujets. Et c'est vrai qu'avoir un regard neuf, même un regard naïf, il n'y a aucune question qui est bête. Même un regard naïf, ça peut des fois changer notre vision, parce que nous, on est tellement dans notre science au quotidien. Et voilà, c'est toujours très enrichissant, ce genre de rencontre. C'est vrai, ouais. On passe des beaux moments à la Nuit des chercheurs, ouais. Et dans ce même style de proposition, il y a le Science Comedy Show. Absolument, oui, le Science Comedy Show. Je fais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle donc le Science Comedy Show, où on essaye de faire rire les gens en parlant de science. Donc on a fait plusieurs dates, notamment à la Nuit des chercheurs aussi, on a fait une date. On a également fait des événements comme la Fête de la Science ou dans des musées pour certaines ouvertures d'événements ou des conférences, des conventions. Et donc en fait, on est une dizaine, on est suivi par Mathieu Pouget, qui est un grand monsieur des langues et du théâtre, et qui forme notamment à la thèse en 180 secondes. C'est un des formateurs, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il vient nous chercher en fait. Et du coup, on n'est pas. Donc c'est de la science, qui mêle l'humour et la science, mais il n'y a pas que des scientifiques de sciences dures. Il y a aussi donc des docteurs ou des doctorants en sciences humaines, notamment en Grèce antique. Il y a du droit des assurances, il y a de la logistique, il y a Quentin qui travaille chez l'EFS, et donc du coup il nous raconte comment ça se passe dans l'établissement français du sang. Enfin voilà, il y a plusieurs, mais tout le temps en forme d'humour et avec beaucoup de blagues qui allègent un peu le message scientifique. Et notre but, en fait, c'est vraiment le public. Ils viennent, ils rigolent et ils ressortent à chaque fois un message. Qu'il apprenne quelque chose, en fait, en rigolant. Et donc, pour le moment, ça marche plutôt bien, mais n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez envie d'animer un événement ou pour une fermeture d'un quelconque événement ou d'une quelconque conférence. C'est vraiment sympa. Les prochaines dates Alors là, actuellement, donc on a fait plusieurs dates. En décembre, on n'a pas grand-chose, mais on va sûrement faire les offres. On a quelques pistes pour les offres, donc la Fête de la Science là, à Toulouse. En juillet. Ouais, oui, c'est en mai, j'ai dit, non, en juillet. En juillet 2018. Et en mai, on serait peut-être sollicité à l'Institut français à Madrid. Donc on bouge un peu, mais pour le moment, on a quelques dates. Après, c'est tout nouveau, ouais, ça a moins d'un an. Avant, c'était associé au Bright Club, qui était associé à l'Université de Toulouse. Et donc, notamment, et donc on a changé de nom, on s'est un peu détaché de l'université pour faire ça entre nous, quoi. Je rebondis sur ESOF parce que ça, c'est un grand événement qui va avoir lieu en juillet 2018. Alors, j'ai pas les dates en tête, mais c'est, je crois, la deuxième semaine de juillet, où là, c'est vraiment la fête de la science et c'est international et ça va être quelque chose de très gros qui va être organisé en France. Donc, si le grand public s'intéresse à la science, ça va être une occasion encore de s'intéresser à la science et de venir nous rencontrer et de parler science et de découvrir la science. Et voilà. Donc, voilà. Et sauf ESOF, ça sera chez nous. Eh bien, c'est magnifique. Ce sera chez nous. Nous pourrons tous écouter la science et la science sera à notre écoute à tous ces rendez-vous. Eh bien, un petit mot, Sophie Yvon, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Hélène pour sa thèse ? Alors là, tu es en deuxième année, oui. Donc, moi, comme conseil, je dirais surtout de ne pas lâcher, parce qu'il va peut-être y avoir des moments un peu difficiles. C'est des hauts et bas, une thèse. Il y en a déjà eu. Il y en a sûrement déjà eu, ouais. Mais il y en aura d'autres. En fait, généralement, j'ai cru le voir à travers ce que disait Hélène, si on est passionné, franchement, ça, tout tient la route. Même si on n'obtient pas ce qu'on voulait, même s'il y a des couacs, qu'il y a des choses qui ne se passent pas, à partir du moment où on reste passionné et qu'on garde le mordant pour lequel on était venu, pour lequel on s'est inscrit en thèse, généralement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc moi, je te dirais surtout de garder la passion, de l'alimenter. Et c'est bien là, de faire d'autres choses à côté de la thèse qui est toujours associée à la science, comme ma thèse en 180 secondes, comme la nuit des chercheurs. Ça permet de prendre un peu de recul et de voir un peu la réaction des gens autour et qu'est-ce que ça peut apporter. Donc forcément, on n'apporte qu'une petite pierre à l'édifice, mais c'est même pas une pierre, c'est la moitié d'une pierre. Enfin, ça marche vraiment tout doucement. Mais généralement, quand on a ce retour-là, après qu'on voit en prenant le recul, ça permet de garder... de garder le mordant et de garder la passion. Et... ouais, moi, je dirais ça, ouais, de garder la passion que tu as déjà. Ok, merci, mais je pense que ça ira. Parce que la passion, c'est vrai que c'est ce qui nous porte. Quoi. Donc, c'est vraiment ça. Si t'es pas passionné, de suite, si tu vas pas au labo avec le sourire... En plus, la recherche, c'est vraiment un métier bizarre. C'est pas un métier... c'est un métier assez différent des autres. C'est pas un métier où tu vas pointer le matin à 8h et tu dépointes le soir à 18h. Et du coup, quand tu dépointes, ça y est, non. C'est pas fini. Quand tu rentres chez toi, les hypothèses, elles sont toujours dans ta tête. Tu laisses pas le travail au travail. C'est assez difficile de décrocher de ça. Et donc, du coup, quand t'es chercheur. La nuit, ça nous habite au quotidien. C'est ça. C'est quand ça te passionne, en plus, du coup, ça te parle tout le temps. Donc, t'es là, mais tu rentres chez toi, t'y penses toujours. Donc, après, il faut savoir aussi te décrocher pour prendre un peu de recul et mieux revenir. Mais c'est vraiment un métier particulier. Donc, si t'es pas passionné, il va y avoir du mal, quoi. Eh bien, nous allons pouvoir arrêter cette émission faite avec passion par Sophie Yvon et Hélène Leménager. Je remercie encore Valentin à la technique. Je remercie la Maison des Initiatives étudiantes qui nous prête notre local. Et je vous dis à bientôt. Que les sciences soient à votre écoute.